Chapitre 4. Le héros de Rocroi n'avait point de goût pour la guerre des pots cassés. Le duc de Beaufort, au contraire, n'en savait point faire d'autre, en sorte que durant le blocus de Paris, les troupes régulières de la reine furent souvent battues par les frondeurs. La porte Saint-Antoine, les alentours de Vincennes et de Charenton, étaient le théâtre ordinaire des escarmouches. Il n'y avait guère de jour où Saint-Mandé n'entendit le feu de la mousqueterie. Un jour, M. de Beaufort, s'étant logé dans les terrains de ce village, y établit à la hâte des travaux de défense que l'armée royale voulut enlever. Les habitants, dispersés dans la plaine, voyaient de loin leurs maisons converties en redoutes et percées par les boulets. Les frondeurs, n'ayant point d'artillerie de campagne, ne purent résister longtemps et cherchèrent un refuge derrière les murailles de Paris. Après le combat, les paysans, rentrés chez eux, firent d'un seul mot l'inventaire de leurs pertes. Tout était détruit ou endommagé dans leur village. Si quelques bestiaux et quelques meubles avaient échappé au désastre, l'occupation des gens de guerre y mit ordre. Afin de préserver Saint-Mandé d'une nouvelle surprise, un détachement royal s'y établit à demeure, mangeant ce qui restait de vivres sans les payer, et traitant le pauvre monde comme on fait en pays conquis. La basse-cour et le colombier de Dame Simone y passèrent jusqu'à la dernière volaille. Quant à sa vache, privée de soins, menacée de périr alternativement sous le sabre des Mazarins ou le couteau des frondeurs, elle ne résista pas à tant de vicissitudes et mourut de maladie. Sur ces entrefaites, la paix fut signée au château de Saint-Germain par l'entremise de M. le Prince. On s'en réjouit fort à la cour, et l'on s'imagina que tout était fini. Mais le Parlement, irrité, le peuple de Paris frémissant encore, et le paysan ruiné, ne voyait dans cet accommodement qu'une partie remise. Dame Simone, réduite à l'extrémité, manquant du nécessaire pour recommencer sa petite industrie, s'abandonnait au désespoir. Claudine tira d'une cachette où elle l'avait enfermée le bracelet donné par la princesse mystérieuse. « Ne pleurez point, ma mère, dit-elle, voici un bijou qui vous sauvera de la misère. Vous le pouvez vendre en toute assurance à maître Cambrai, orfèvre du pont en change, et avec le produit, vous achèterez des bestiaux et des meubles. » À la vue d'un joyau si précieux, Simone se mit à trembler de tous ses membres. Elle admira la monture d'or plus encore que les perles dont elle ignorait le prix. Claudine lui raconta par quelles circonstances ce trésor était tombé entre ses mains et comment elle s'en pouvait considérer comme légitime possesseur, les paroles qui avaient accompagné le présent ne laissant point de doute à ce sujet. Après une courte délibération, la mère et la fille prirent leur capuchon de laine et se rendirent à Paris. Le pont en change était alors garni de boutiques de changeurs et de joailliers. Claudine, qui savait lire, chercha le nom de maître Cambrai sur les enseignes et ne le trouvant point, elle demanda au premier passant où demeurait cet orfèvre. On lui répondit que Cambrai était mort, mais qu'il y avait un successeur appelé Labrosse. La boutique de maître Labrosse, l'une des plus belles du pont en change, attirait les regards par un brillant étalage de vaisselle et de bijoux. L'orfèvre, assis au comptoir, essuyait la poussière d'un écrin. Son visage noir et maigre reposait sur son collet de toile empesée, comme une bécasse rôtie dans un plat de porcelaine. Il laissa le petit balai de plumes qu'il tenait à sa main, pour écouter d'un air sombre ce que lui voulaient les deux paysannes. « Monsieur, lui dit Claudine avec assurance, il y a 5 ans, Madame de Bouteville et ses enfants m'ont envoyé chercher à mon village. Ils me donnaient un cadeau, et j'eus l'honneur de m'asseoir à une table où étaient assis des princes et des ducs. On m'a mené ensuite à la place royale. J'y jouais avec des enfants, lorsqu'une dame, la plus belle et la plus magnifiquement vêtue que j'ai vue de ma vie, m'a fait présent de ce bracelet, en me disant de l'aller vendre à maître Cambrai. Je l'ai gardé jusqu'à ce jour. Mais les gens de guerre ayant dévasté notre village de Saint-Mandé, je viens avec ma mère vous offrir ce bijou et vous prier de m'en remettre le prix, avec quoi nous achèterons une vache, des poules et des meubles, car la princesse inconnue m'a dit que cela valait quelque argent. » L'orfèvre tira d'un étui ses lunettes et se mit à examiner le bracelet d'un air d'attention extrême. Il prit ensuite un vieux registre dont il tourna longtemps les feuillets. À la fin, il posa le doigt sur un article du registre en murmurant des paroles entrecoupées. « Quelque argent, disait-il entre ses dents, je le crois bien que cela vaut de l'argent. L'un des chefs-d'œuvre de maître Cambrai entre les mains d'une paysanne de Saint-Mandé, 11 perles de la plus belle eau, la garniture émaillée avec une tête de levrette ciselée. C'est bien cela, je ne me trompe point. Le compte que me fait cette fille est incroyable. C'est pourtant la vérité, interrompit Claudine. Ce bracelet, reprit l'orfèvre, a été vendu à un président de la Cour des comptes et non pas à une dame. En cherchant bien, répondit Claudine, on découvrira peut-être que ce président avait acheté le bracelet pour le donner à une dame, à moins qu'il ne le portât sur sa robe de magistrat. « Vous savez apparemment, s'écria Maître Labrosse, qui était ce magistrat ? Le président de Chevry, puisque vous le connaissez, donnait beaucoup aux femmes. Elles lui ont coûté les yeux de la tête, et il ne méprisait point les babolettes. Mais ce n'était pas elle qui l'offrait des bijoux de cette valeur. Il faut donc qu'on lui ait volé ce bracelet. »« Qu'est-ce que toutes ces horreurs ? » interrompit Claudine. « Je vais vous l'apprendre, répondit l'orfèvre, car j'entrevois enfin la vérité. Vous étiez enfant quand M. de Chevry a perdu ce bracelet, mais votre mère que voici, et qui pâlit en m'écoutant, sait bien comment ce bijou est venu entre ses mains. Le président est mort et l'on s'imagine aujourd'hui pouvoir dissimuler le larcin. Me prenez-vous pour un sot, avec votre fable de la dame mystérieuse. Attendez un moment. Je vous ferai connaître tout à l'heure qu'on ne se joue point de moi. » Maître Labrosse appela son premier commis et lui dit quelques mots à l'oreille. Le commis partit en courant et revint bientôt, accompagné de trois exempts de police et d'un homme vêtu de noir. Aux questions qu'on leur adressa, les deux paysannes comprirent qu'ils avaient affaire à la justice. Toute dénuée d'apparence qu'était son histoire de la dame mystérieuse, Claudine la répéta devant le commissaire avec un air d'innocence et de sincérité qui l'aurait peut-être sauvée si sa mère ne se fût mise à pleurer et jetée-les au cri. Le trouble de Simone passa pour un indice suspect. Les réponses imprudentes et mensongères qu'elle fit par frayeur achevèrent de la perdre. Le commissaire donna l'ordre aux exempts d'emmener ces deux femmes. « Où nous conduisez-vous ? » demanda Claudine. « En prison, » répondit un exempt. Des passants s'étaient assemblés devant la boutique de Maître Labrosse, ayant ouï dire qu'on y avait arrêté deux femmes. Une troupe de polissons s'apprêtait à suivre ces voleuses, que la rumeur accusait déjà de toutes sortes de crimes. Un gentilhomme demanda ce que c'était et s'approcha des exempts. Claudine reconnut M. de Buc et courut à lui. « Monsieur, lui dit-elle, ne vous rappelez-vous point qu'à Saint-Mandé vous êtes tombé de cheval il y a 5 ans et que j'eus l'honneur de vous servir un verre d'eau ?»« Je me le rappelle, en effet, répondit M. de Buc. Vous êtes cette gentille babolette que M. le prince prit sous sa protection pour lui avoir rendu fidèlement la moitié d'un louis d'or. Précisément, de grâce, monsieur, venez à mon aide et ne me laissez point accuser d'un vol dont je suis incapable. » Le commissaire consentit à rentrer dans la boutique pour procéder à de plus amples informations. Le gentilhomme témoigna de la vérité des assertions de Claudine en tout ce qui touchait la rencontre avec M. le prince et au cadeau de Mme de Bouteville. Mais l'affaire du bracelet n'en demeura pas moins obscure, et si M. de Buc se porta garant de l'innocence de la jeune fille, il déclara qu'il n'exposerait pas un cheveu sur la vertu de la mère. Le registre de Maître Cambrai et le nom du président de Chevry augmentèrent la confusion en présence de faux indices que l'on prit pour bons. Le commissaire crut agir avec toute l'indulgence possible, en laissant aller Claudine et en remettant Dame Simone aux mains des exempts. La mère et la fille s'embrassèrent. L'une partit tout en larmes pour la prison du Petit Châtelet, et l'autre suivit M. de Buc. « Ne perdez point courage, mon enfant, dit le gentilhomme. Si votre mère a sur la conscience quelques péchés de jeunesse, ce n'est point une raison pour qu'il vous arrive malheur. » « À Dieu ne plaise que je perde courage, répondit Claudine. L'innocence de ma mère sera reconnue, puisqu'il y a une justice. Je sais à qui m'adresser pour cela. Prenez garde, reprit M. de Buc, de réveiller quelques fâcheux souvenirs en cherchant la lumière. Votre mère ne vous a point dit tout ce qu'elle a fait à 18 ans. Le feu président de Chevry était un libertin. Je vous ai tiré d'un mauvais pas. N'en demandez pas davantage. Monsieur, répondit Claudine, je confesse que les paysans ont toutes sortes de défauts. Mais il y a encore des gens honnêtes parmi nous. Je vous en ferai convenir, pour peu que vous ayez la bonté de m'aider. Et d'abord, conduisez-moi, je vous prie, à la place royale, afin que je parle à ma princesse inconnue. Ce n'était donc pas, dit M. de Buc, une fable inventée pour disculper votre mère. Je ne mens jamais, répondit Claudine avec fierté. Eh bien, je vous mènerai où vous voudrez, car je suis curieux de voir la fin de tout ceci. Il y avait à la place royale la compagnie accoutumée. Les dames étaient assises, comme à l'ordinaire, sous les arbres, et la grande mademoiselle y avait amené ses violons. Claudine poussait des soupirs en comparant sa triste situation présente avec les délices qu'elle avait goûtées dans ce lieu le premier jour qu'elle y était venue. Il lui sembla qu'elle ne voyait plus sur les visages des promeneurs la même bienveillance qu'autrefois. Ses sourires qu'on lui avait prodigués étant enfant, elle ne les retrouvait plus étant jeune fille. Les uns la regardaient avec dédain, les autres avec une attention plus blessante encore. Elle entendit des jeunes gens se dire entre eux « Où diable de Buc a-t-il ramassé cette babolette ? Voilà une plaisante idée d'étaler ici cette conquête. »« Elle est ma foi charmante, » dit un gentilhomme. « J'en soulagerai volontiers de Buc lorsqu'il n'en vaudra plus. » Ces propos, accompagnés de rires pleins d'insolence, auraient indigné Claudine si de plus graves pensées ne lui eussent occupé l'esprit. M. de Buc paraissait un peu honteux de l'accompagner d'une babolette. Mamie, dit-il d'un ton presque railleur, voici la princesse de Montpensier. Ne serait-ce pas votre inconnue ? Non, répondit Claudine, mon inconnue était plus belle. Mais attendez donc, ne la vois-je pas assise à l'écart dans cette allée ? Je la reconnais à son visage d'ange et à sa riche parure. C'est elle, c'est la princesse. Claudine courut à la dame mystérieuse et lui embrassa les genoux sans pouvoir proférer une parole. « Relève-toi, ma fille, lui dit la dame avec bonté. Il ne faut point faire de scène devant tous ces indifférents. Tu es malheureuse puisque je te revois. Mais ne t'ai-je pas promis assistance ? Calme-toi donc et conte-moi tes chagrins. » La Bavolette entreprit avec volubilité un récit de ses infortunes, souvent interrompu par des pleurs, et dans lequel la dame démêla comme elle put la vérité. « Tu as commis une imprudence, dit-elle, en attendant 5 ans pour vendre mon bracelet. J'avais donné le mot à Cambrai, et je n'y avais plus songé. Si j'eusse été morte, Dieu sait comment tu aurais échappé à l'infamie. Je suis donc bonne à quelque chose en ce monde. Suis-moi. Cette journée nous sera heureuse à toutes deux. » Monsieur de Buc s'était rapproché. Il salua la dame en personne de connaissance. « Je n'ai guéri de sagacité, lui dit-il familièrement. J'aurais dû deviner que la princesse adorée de cette Bavolette était la femme la plus prodigue qui fut sur la terre. Mais j'ai découvert qui vous avait donné ce bracelet. Le président de Chevry, répondit la dame, je n'en fais pas mystère. Allons, Claudine, partons sans différer. Adieu, de Buc. Au revoir, princesse, dit le gentilhomme d'un ton peu respectueux. La dame fit monter Claudine dans un carrosse magnifique et donna l'ordre à ses gens de la mener chez Maître Labrosse. L'orfèvre vint sur le pas de sa boutique, le bonnet à la main. « Vous avez pensé être cause d'une injustice et d'un malheur, » lui dit l'inconnu. « J'avais donné le bracelet du président de Chevry à cette petite fille. Où est-il à présent ?»« Au greffe du Châtelet, » répondit l'orfèvre. « Venez avec moi le chercher. » On se rendit au Châtelet, qui était tout proche du pont au change. La dame laissa Claudine dans sa voiture et descendit avec l'orfèvre. Au bout d'une heure, ils revinrent tous deux. « Maître Labrosse, » dit l'inconnu en mettant le bracelet au bras de Claudine, « combien estimez-vous ce joyau ?»« 500 pistoles, » répondit Labrosse. « Votre méprise me coûtera cher, car en dédommagement de ses chagrins, je prétends donner à ma protégée le prix du joyau et le joyau par-dessus le marché. Si plus tard elle vous le rapporte, souvenez-vous cette fois qu'il lui appartient bien et dûment. » L'orfèvre se confondit en excuses et rentra dans sa boutique en appelant l'inconnu « mademoiselle ». Claudine apprit ainsi que la princesse n'était point mariée. Le carrosse passa par une quantité de rues et s'arrêta devant un petit hôtel. Tout y respirait le luxe. Les pieds n'y foulaient que des tapis moelleux. La princesse remit à sa protégée une grosse bourse remplie d'or. Elle lui fit servir une collation, après quoi elle lui donna des robes de soie, des dentelles et des rubans, en disant qu'on ne pouvait porter un si beau bracelet avec le bavolet de toile et les cotillons de laine. « Mon enfant, » ajouta l'inconnu, « j'attends de la compagnie. Emporte cette défroque. Mes gens te vont reconduire à Saint-Mandé. Tu reverras ta mère ce soir. L'ordre d'élargissement sera signé avant la nuit. Sois toujours sage, embrasse-moi et ne m'oublie pas dans tes prières. Je m'appelle Marie, comme la Sainte Vierge. » Hélas, mademoiselle, s'écria Claudine, faut-il déjà que je vous perde? Ne pourriez-vous me donner une place parmi vos femmes? Pour vous voir, je serai volontiers la dernière de vos servantes. Impossible, répondit l'inconnu, ta place n'est point ici, reste dans ton village. La Bavolette couvrit de baisers les mains de sa bienfaitrice et se retira le cœur tout gonflé de soupirs. On la fit monter dans le carrosse à 4 chevaux, et en moins d'une demi-heure, elle fut à Saint-Mandé. Maître Simon, occupé à ivrogner depuis le matin, n'était point au logis. Pour passer le temps jusqu'au retour de sa mère, Claudine quitta son bavolet, se para d'une belle robe et compta ses pièces d'or en bénissant 1000 fois le nom de la princesse Marie. La triste aventure du bracelet finissait de la plus heureuse façon du monde. Quel cri de joie les poussait dame Simone à la vue de tant de bien. En sortant de prison, l'aisance, avec toutes ses douceurs, l'attendait dans sa masure. Elle allait être la plus riche paysanne de son village. Au milieu de ses agréables pensées, la Bavolette entendit un carrosse s'arrêter devant la maison. Elle ouvrit la porte avec empressement et se trouva en face de M. de Buc. Le gentilhomme avait un air sombre et intimidé tout ensemble. « Mon enfant, » dit-il avec hésitation, « vous avez bien fait de vous parer. Je viens précisément vous quérir de la part de la princesse. » « Comment cela se peut-il ? » répondit Claudine. « Je la quitte à l'instant. Je me suis séparé d'elle avec bien des regrets. Mais avant de retourner chez elle, je désire au moins revoir ma mère. »« Votre mère ne rentrera point aujourd'hui, » reprit de Buc, et je vous mènerai où elle est si vous le souhaitez. Je ne bougerai d'ici, monsieur. Eh bien, puisqu'il faut tout vous dire, apprenez que je viens vous chercher pour vous mener à Saint-Maur, chez votre protecteur, monsieur le prince, à qui je suis. Il vous ménage une surprise. Faites semblant de ne vous attendre à rien, car il me gronderait fort de vous avoir averti. Excusez-moi, monsieur, je ne bougerai point d'ici. » Le Buc mordit ses moustaches et fit le tour de la chambre à grands pas. La Bavolette, effrayée, le regardait en se demandant tout bas quel intérêt pouvait avoir un si bon gentilhomme à s'abaisser au mensonge. Tout à coup, Le Buc jeta son chapeau sur la table et croisant ses bras. « Finissons cette comédie, dit-il. C'est assez joué, l'innocente. Quelle accointance avez-vous avec votre prétendue princesse? Par qui vous a-t-elle fait donner ces nippes et ce bracelet? Vous me plaisez, je vous trouve jolie, combien vous faut-il? Jésus! S'écria Claudine en chancelant. Que signifie cela? Vous vous trompez, monsieur, je n'entends rien à ce langage, ou plutôt je tremble de le trop bien entendre. Vous ne voulez point me suivre? Reprit le gentilhomme d'une voix terrible. Moins que jamais, monsieur, répondit Claudine. Au fait, vous êtes sans doute à trop pris pour ma bourse, et je préfère vous enlever, ce sera plus économique. Monsieur de Buc siffla comme s'il lui appelait des chiens. Aussitôt, trois estafiers qui guettaient à la porte se précipitèrent sur la Bavolette et la saisirent à bras-le-corps. L'un d'eux s'apprêta à lui mettre un baillon sur la bouche lorsqu'il s'aperçut de l'inutilité de la précaution. La pauvre fille était évanouie. On la porta dans le carrosse et les chevaux partirent au triple galop.